Smart Good Things, des boissons et services pour une nouvelle économie bienveillante. Et oui, c'est ça l'idée, produire des boissons vertueuses, innover au service du bien commun et verser 25% de notre chiffre d'affaires à des causes solidaires, telles que la formation des jeunes, la lutte contre le décrochage scolaire et l'accompagnement de nos aînés. Ensemble, avançons vers une société plus juste. Rejoignez-nous sur smartgoodthings.com. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Prendre soin des enfants juifs après la guerre, le 3 novembre 1944. Ah ben la guerre n'est pas finie. Le journal Droit et Liberté, organe de l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, annonce avoir récupéré la copie de la liste complète de tous les juifs du Sud-Ouest déportés par la Gestapo pendant l'occupation. Voici ce que nous pouvons y lire. Parmi les noms, X, né en 1944. Cet enfant âgé de 6 mois, à peine, fut déporté pour son activité contre le Reich allemand. Des paroles sont trop faibles pour fléchir cette cruauté des bandits. Chaque nom, ce sont des larmes, des souffrances, des deuils pour une famille. Chaque nom est une larme de femme, de mère, de parents. Chaque nom est un lambeau de chair vivante arraché à la communauté. Serge Bianchi, bonjour. Bonjour. Je viens de lire un extrait de ce journal Droit et Liberté, organe de l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide. Nous étions en 1944, au mois de novembre, donc la guerre n'est pas finie en soi, elle se termine le 8 mai 1945. Il y a déjà des organisations qui existent pendant la guerre pour s'occuper des enfants juifs. Oui, oui. Il y a l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, qui regroupe des résistants juifs, souvent originaires des pays de l'Est, Pologne, URSS, et qui sont rentrés dans la Résistance très tôt d'ailleurs, dès l'invasion allemande, dès 40, et qui se donnent comme tâche de protéger, de recueillir les enfants juifs de parents qui ont été déportés souvent dans les camps de concentration, Auschwitz, Buchenwald, de les sauver, de les faire accueillir par des familles et au sortir de la guerre, de leur offrir la possibilité de devenir des citoyens dans le pays libéré. Serge Bianchi, vous venez de dire que l'Union des Juifs pour la Résistance pendant la guerre naît avec des communautés juives qui viennent d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Ce qui veut dire que déjà avant même la guerre, il existait des associations, des réseaux d'entraide, parce que nous cherchons à comprendre comment naît une commission centrale de l'enfance après la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, faut tirer le fil un peu vers le passé. Voilà, c'est cette histoire de l'immigration juive dans des années 1910-1940 que Zoé a étudiée plus particulièrement. Et je crois qu'elle peut expliquer un petit peu les racines de cette immigration. Zoé Grimbert, bonjour. Bonjour. Eh bien justement, allez-y. Oui, alors cette immigration, effectivement, c'est une immigration composée principalement de juifs originaires de Pologne, bon, dans les frontières de l'époque bien sûr, qui ont fui la Pologne pour un faisceau de raisons, à la fois là, des questions d'antisémitisme, qui soient économiques notamment, mais aussi des questions politiques, parce qu'une partie de ces individus, en tout cas dans ceux qu'on a étudiés, sont déjà militants en Pologne, au Parti communiste, qui est clandestin, et une partie d'entre eux passe par la case prison et comprend qu'il faut fuir le pays, souvent seul, hein, sont des jeunes gens qui quittent le pays, qui passent parfois par l'Allemagne, souvent par la Belgique, et qui arrivent en France après souvent une expulsion de la Belgique. Et lors de leur arrivée en France, ils s'installent pour la plupart à Paris, dans certains quartiers, en particulier de l'Est parisien, donc Belleville, Ménilmontant, République notamment. Et ils créent un certain nombre d'associations, dont une partie existait déjà en Europe orientale, c'est le cas de la Culture Liga par exemple. Et d'autres associations sont créées ex nihilo en France et vont être en fait rattachées au Parti communiste français qui crée au même moment, en 1926, ce qu'on appelle la main-d'œuvre étrangère qui devient la main-d'œuvre immigrée, MOI ou MOI, c'est la prononciation yiddish, en 1932. Et cette main-d'œuvre immigrée, elle consiste en fait ont des groupes de langue ou de nationalité. Donc, dans le cas de, qui nous intéresse, c'est un groupe qu'on dit juif, qui est en fait un groupe yiddish, parce que ces gens-là sont yiddishophones, constitués de nombreuses associations qui ont un caractère politique et qui sont rattachées au Parti communiste français. Et parmi ces associations, il y a déjà des associations centrées sur les enfants. Alors des associations sportives de jeunes, mais aussi des associations, des patronages par exemple, donc c'est-à-dire l'équivalent d'un centre aéré aujourd'hui si on veut, qui existe dès les années 30 en fait à Paris notamment. En regardant l'ouvrage « La commission centrale de l'enfance, des larmes au rire, histoire et mémoire d'une organisation juive laïque et progressiste 1945-2020 », où nous trouvons énormément de portraits, j'en ai croisé un moi, que je connaissais mais pas du tout pour cette histoire-là, c'est Henri Krasucki. Mmh. Donc Henri Krasucki que nous connaissons bien pour avoir été secrétaire général de la CGT. Zoé Grimbert, l'histoire que vous venez de raconter, c'est l'histoire d'Henri Krasucki, hein, qui vient d'Europe centrale, qui arrive en France, qui est lié très vite à des mouvements politiques, c'est cette histoire-là. Oui, alors Krasucki, il fait partie d'une génération un tout petit peu plus âgée que la génération des enfants de l'après-guerre, parce qu'il a déjà une vingtaine d'années, ou il a 15-16 ans, je ne sais plus, 15-16 ou 20 ans, avant la guerre. Il entre, mais effectivement, il fait partie de tous ces mouvements de jeunesse de l'entre-deux-guerres. Il est d'une famille yiddishophone, immigrée. Il participe à la résistance comme jeune juif communiste. Il est déporté. Il revient. Et après-guerre, il fait partie de ce, de cette mouvance-là, mais très vite, en fait, il en sort pour occuper les fonctions qu'on lui connaît. Voilà, c'est ça, parce que Henri Krasucki est né en 1924, et dans cette histoire-là, nous sentons bien qu'il y a cette engagement politique. C'est très intéressant ça, Serge Bianchi, pour saisir en fait cette construction qui doit se comprendre sur le temps long du XXe siècle, de voir comment le Parti communiste, en l'occurrence, structure des associations déjà avant la Seconde Guerre mondiale, pour les Juifs. Hein. Voilà, voilà. C'est l'exemple aussi de Charles Fitterman, qui a été ministre aussi, et qui se rappelle de son enfance dans les colonies de la CCE, et qui explique, qu'après que son père a été déporté et décédé à Auschwitz, il fallait se reconstruire, et il s'est reconstruit donc dans ses foyers, dans ses colonies. Il explique, par exemple, à Tarnow, j'ai ressenti l'engagement, la disponibilité des directions et des moniteurs, leur dynamisme. J'ai à l'égard de tous ces animateurs une profonde reconnaissance. En fait, ça a été un élément essentiel dans sa reconstruction politique. Et voilà. Et c'est la même chose pour Boris Cyrulnik, que chacun connaît aussi, et qui dit avoir découvert la collectivité, la citoyenneté dans la première colonie d'enfants. Le ministre Charles Fitterman ou le psychiatre Boris Cyrulnik ont tous les deux livré des textes pour la préface de cet ouvrage consacré donc à la Commission centrale de l'enfance, la CCE, parce que le XXe siècle est le siècle des sigles. Non, c'est vrai, il y en a énormément. Donc la CCE, la Commission centrale de l'enfance. Évidemment, dans cette histoire-là, il y a le moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc ces associations juives, mais pas particulièrement juives au sens où elles sont politiques aussi, se soude encore plus pendant la Seconde Guerre mondiale. Zoé Grimbert, il y a la résistance ici aussi. Oui, alors ces organisations effectivement sont juives, mais pas juives religieuses bien évidemment, donc on peut les définir comme juives de manière un peu ethnoculturelle si on veut, par la langue, la culture, etc. Et ces organisations nées dans l'entre-deux-guerres vont très vite être clandestines. Dès l'interdiction du PC, en fait, du PCF en septembre 39, mais se reconstitue sous diverses formes dès 39, puis en 40, avant même l'entrée en résistance armée, si l'on peut dire. Et parallèlement à la résistance armée qui se met en place, notamment dans les FTP-MOI du Parti communiste, au sein desquels il y a des juifs et des immigrés, donc les FTP-MOI, ce sont les groupes francs-tireurs partisans MOI, il y a aussi des associations pour sauver les enfants pendant la guerre, donc qui sont menées principalement par des femmes, un certain nombre de femmes, des parcours de femmes comme Sophie Schwartz par exemple, qui participent en fait à convaincre, qui essayent de convaincre les mères de donner leurs enfants et de les mettre en sécurité à la campagne, dans la Sarthe, dans diverses régions, et qui vont ensuite, à l'issue de la guerre, essayer de récupérer ses enfants. Et parallèlement à cette protection des enfants, effectivement, les organisations juives communistes vont aussi essayer de s'unir avec d'autres organisations juives. Et là, c'est là que c'est intéressant, parce que c'est jusqu'à présent, ces organisations juives étaient divisées, parce que vous l'avez dit vous-même, est-ce qu'ils sont juifs, ces juifs communistes? C'est une des grandes questions qu'on a pu longtemps se poser, en leur reprochant notamment de privilégier les intérêts du Parti communiste sur les intérêts des juifs. Et en réalité, c'est une question complexe, bien sûr, qu'on ne va pas résoudre ici, mais ce qu'on perçoit à partir de 1943, c'est que tous les juifs de France vont s'unir face à la persécution, en comprenant qu'il faut unir ses forces si l'on veut pouvoir lutter contre les nazis, contre la milice, contre Vichy. Et ça donne naissance à deux organisations unitaires, le Comité Général de Défense, le CGD, et le CRIF, qu'on connaît aujourd'hui, mais qui est né en fait dans ces années-là, en 1943-1944, de l'union de toutes ces organisations juives, communistes et non communistes. Oui, parce que nous sommes dans un moment très particulier, celui de la guerre, celui de la clandestinité. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, naît à ce moment-là aussi avec tant et tant de voix possibles, Serge Bianchi, pour sauver les enfants. Alors oui, c'est ça, c'est les confier à quelqu'un qu'on connaît, quand on a la chance de connaître quelqu'un qui est à la campagne, mais... Moi, quand je vous entends, Zoé Grimbert, je me dis ce moment de laisser son enfant, de dire mais est-ce que j'ai une bonne décision, j'aurais pas gardé près de moi. C'est des destins terribles que l'on croise aussi. Des destins tragiques. La Commission centrale de l'enfance sera souvent en accord avec l'OSE, l'organisation de secours à l'enfance qui a débuté avant, dans l'avant-guerre, pour essayer de sauver ensemble tous les enfants qui pouvaient l'être. Destin tragique, en particulier, je pense à ma mère, Sonia Bianchi, qui a été arrêtée en avril 1942, dont le compagnon a été exécuté dans le procès après le procès de la maison de la chimie, et qui a été obligé de passer toute la guerre en prison, alors que son fils, mon frère Marcel, devait être accueilli, donc une famille d'accueil. C'est un exemple particulier, mais c'est aussi celui de Michel Souzaf, qui est l'un des grands auteurs de ce livre, et dont le père et la mère avaient été raflés au Veldiv, et qui a donc ensuite fait une partie de son enfance dans les foyers de la Commission centrale, avant de participer avec nous à l'écriture de cet ouvrage. Donc des destins tragiques, des centaines de destins tragiques, de déportations. Et ces organisations se sont mis d'accord, comme l'a dit Zoé, pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être. Et en particulier pour l'OSE et pour la CCE, sauver plusieurs milliers d'enfants sur les 12 000 qui pouvaient l'être. Oui, parce que c'est ça, on voit des chiffres et un chiffre ne couvre pas la réalité d'un vécu, parce que ces vécus sont très divers, hein, Zoé Grimbert. Il y a autant de cas possibles et nous voyons tous ces destins avec une histoire de déchirement. C'est vraiment cette histoire-là, parce que l'histoire de la Commission centrale de l'enfance, c'est aussi ressouder le lien avec la famille, si on peut la retrouver. Oui, si on peut la retrouver, et dans quel état on la retrouve. Oui, parce que c'est ça, dans ce chaos, il n'y a pas simplement les parents qui ne sont plus là parce que déportés, ils ont été assassinés dans les camps, il y a aussi les parents qui ne peuvent plus subvenir aux besoins d'une famille. Il faut se replonger dans ce contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale. Mais là, écoutez cette archive, nous sommes en février 1945 et rappelons-le, la guerre n'est pas encore finie. Le froid, le terrible froid continue son offensive. Nombreux sont les Français qui cependant n'ont pas de quoi se vêtir. Un camion de l'entraide française va porter aux sinistrés quelques vêtements destinés à parer aux besoins les plus pressés et les plus criants. Petits ou grands, dans toutes les parties de la France, mais surtout dans les régions sinistrées, sont impuissants à se défendre contre les rigueurs de cet hiver impitoyable. L'enfance même n'est plus protégée contre lui. Empêcher les enfants de France d'avoir trop froid, les empêcher d'avoir trop faim, c'est le but de ces œuvres généreuses qui ne doivent désarmer devant aucune difficulté, puisque c'est l'existence même de la France qui est en jeu. Un extrait du journal des actualités françaises du 2 février 1945 consacré aux enfants de fusillés et de déportés. Serge Bianchi, quelles sont les priorités juste après disons la libération de la France? Que faut-il faire? Il s'agit de sauver les enfants qui étaient en clandestinité pendant la guerre. Donc les sauver, c'est les accueillir dans des foyers. Et très rapidement, dès 45, 6 foyers vont fonctionner. Alors, pour régler ces problèmes, il va falloir trouver des espaces, des lieux, des maisons. Il va falloir compter sur les communautés juives qui sont dans les communes les plus concernées, par exemple Livry-Gargan, par exemple Montreuil, par exemple Andrézy. Et il va falloir faire appel à la solidarité des populations, trouver des lits, trouver des couvertures pour accueillir ces enfants. En gros, on peut dire que 350 enfants ont été accueillis dès 45 dans ces 6 foyers et qu'on a suivi ces enfants depuis leur prise en charge jusqu'à leur obtention d'un diplôme et leur entrée dans la vie professionnelle. Donc l'histoire de ces foyers est une histoire à la fois tragique et heureuse. Quand on a dit le terme passer des larmes au rire, c'est comment on a pu sauver ces enfants, comment on a pu les vêtir, les nourrir, les sortir du traumatisme qu'ils ont vécu pour pouvoir les accueillir dans des écoles publiques, dans les foyers et les emmener jusqu'à un avenir professionnel qui n'était pas du tout inscrit au départ. Des larmes au rire, hein, c'est le titre de cet ouvrage Cherche Midi sur la Commission centrale de l'enfance. Du tragique partout, hein, des larmes au rire, on le sait bien, c'est terrible ce à quoi sont confrontés. Et alors, qui sont-ils d'ailleurs? Des volontaires, des gens concernés? Qui sont-ils ces gens qui ont organisé cette Commission centrale de l'enfance? Il y a plusieurs catégories de personnes. On peut distinguer en fait à la fois les dirigeants, dirigeantes et dirigeants de la CCE, qui sont alors des militants et des militantes, qui ont la particularité donc de militer depuis les années 20 et pour une partie d'entre eux d'avoir une expérience préalable dans l'enfance, qu'elle soit dans le militantisme en ayant créé par exemple des patronages dès l'entre-deux-guerres, ou pour certains d'entre eux, assez rare, c'est le cas notamment d'une dirigeante qui s'appelle Anna Wilner, d'avoir eu une formation professionnelle, puisqu'elle a eu une formation d'institutrice à Vilno, d'où elle était originaire. Donc on a ces deux profils parmi les dirigeants, qui sont des profils d'abord politiques, qu'il faut avoir en tête, mais qui vont être ceux qui vont finalement donner la ligne directrice de cette organisation. Et ensuite, les gens qui travaillent au sein de la CCE, ce sont à la fois des moniteurs pour tout ce qui est colonies de vacances, et pour les foyers, donc les foyers ou maisons d'enfants, pour les orphelins, les enfants orphelins, là, ce sont des directeurs, enfin, on recrute des directeurs et des directrices qui peuvent en fait s'occuper de ces maisons-là et qui, pour au début en tout cas, ont une formation eux aussi professionnelle dans l'enfance. Et parmi les moniteurs aussi, ou les personnes qui s'occupent de ces enfants dans les maisons, dans les premières années, on a vraiment cette volonté de recruter des gens qui ont une expertise. Donc ça peut être soit des gens qui ont été formés en Europe orientale, là aussi, notamment, on a le cas de Mathilde Sebald qui a été formée selon les méthodes de Janusz Korczak en Pologne. Mais on a aussi le cas d'animateurs, directeurs de maisons, comme Pierre Lunet, par exemple, Pierre Ezette Lunet. Pierre ayant été formé donc dans les auberges de jeunesse notamment et par les méthodes actives depuis dans l'entre-deux-guerres. Donc en fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que c'est un syncrétisme à la fois d'un engagement politique, de méthodes éducatives et pédagogiques nouvelles d'Europe orientale, donc on cite souvent Korczak, Makarenko, mais aussi des nouvelles pédagogies qui se développent en France depuis les années 20 et 30, donc on pense à Freinet par exemple, Henri Vallon, qui va avoir un rôle important dans la CCE, mais aussi Maria Montessori. Et donc, c'est ce mélange-là que ces gens-là ont, dans les premières années essentiellement, à offrir aux enfants. Eh bien, vous avez cité là, c'est vrai, toute une liste de pédagogues et qui marquent le XXe siècle et qui sont encore aujourd'hui influents dans les réflexions autour de la pédagogie. Et là, il y a cette volonté de l'adapter particulièrement à cette situation spéciale, c'est-à-dire ces enfants juifs après la Seconde Guerre mondiale, sans doute parce que certains de ces pédagogues avaient été confrontés par le passé à des situations difficiles. Nous sommes dans ce qui n'est plus la Russie tsariste, ce qui n'est pas tout à fait encore l'Union soviétique. Nous sommes dans un pays aux prises avec la guerre civile, la famine, un pays dans lequel des hordes d'enfants abandonnés pillent, volent pour survivre. Nous sommes dans un pays qui va progressivement tenter d'organiser ses enfants, de les regrouper dans des colonies. L'une d'entre elles, la colonie Gorki, sera confiée à Anton Makarenko, un instituteur qui va y expérimenter des méthodes pédagogiques pour que ces enfants abandonnés de tous, ces enfants démunis, ces barbares, puissent devenir progressivement des êtres capables de vivre ensemble dans un groupe. C'est Philippe Mérieux, spécialiste de la pédagogie, qui s'exprime à propos du travail d'Anton Makarenko dans cette Russie des années 1920. Et puis nous avons là quelque chose qui est très intéressant, de voir comment il y a un transfert de ces méthodes pédagogiques. Serge Bianchi, la pédagogie est au cœur de toutes ces réflexions au moment de mettre en place la Commission centrale de l'enfance. Oui, la plupart des dirigeants de la CCE, des dirigeantes souvent, sont des pédagogues. On a eu l'exemple de Mathilde Sebald avec Korchak, mais on a l'exemple de Luba Pludermacher qui vient aussi de Vilno et qui a connu les méthodes de Makarenko, effectivement. Et cette pédagogie est adaptée à des cas très particuliers d'enfants qu'on dira peut-être résilients, c'est-à-dire qui ont vécu dans des conditions extrêmement dramatiques et auxquels on cherche à donner une culture et la possibilité d'accéder à un métier. Alors moi j'ai lu les poèmes pédagogiques de Makarenko. Korchak, c'est un destin encore plus tragique. Dans son école de la rue Krochmalnia, il avait aussi des enfants en difficulté et il a péri en 1942 avec ses enfants. Donc il y a là une éducation pédagogique avec des méthodes nouvelles en donnant à l'enfant plus de responsabilités, plus de participation dans le groupe, jusqu'à faire parfois, comme à Livry-Gargan, des républiques d'enfants où les enfants rassemblés tentent de peser sur la façon dont leur destin va s'accomplir, trouver un programme d'action. Cette pédagogie est tellement au cœur de la Commission centrale de l'enfance qu'elle va au-delà de tout impératif idéologique. Il faut former des enfants conscients de leur existence et capables de se diriger dans la vie qui sera la leur au sortir des foyers. Oui, parce que dans cette histoire-là, ce n'est pas simplement guérir du traumatisme, c'est pas ça, on le sent, il y a ça, hein. Mais il n'y a pas que ça, c'est regarder vers l'avenir, Zoé Grimbert. Oui, effectivement, et il y a aussi l'enjeu dans les foyers pour les enfants orphelins de trouver à ces enfants un métier et une insertion possible dans la société française. Et donc, ce qui va se jouer par cette éducation, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que dans les foyers, on n'est pas dans le même contexte que dans les colonies de vacances ou dans les patronages. Parce que dans les colonies de vacances et les patronages, c'est plutôt un contexte de vacances, de loisirs. Dans les foyers, on forme des enfants à la vie future. Et l'enjeu ici se mélange aussi avec des objectifs partisans. Il faut à la fois permettre à ces enfants de devenir vite indépendants parce que ça coûte de l'argent et que la CCE n'a pas un argent illimité, bien sûr. Mais il faut aussi faire en sorte que ces enfants s'intègrent en France dans les objectifs du parti à cette époque-là et deviennent en partie de futurs travailleurs militants. Alors, dans ce que vous venez de dire, Zoé Grimbert, il y a deux voies de réflexion. Travailleurs militants, nous pouvons le comprendre parce que nous avons évoqué l'importance du Parti communiste dans ses réflexions, ou en tout cas dans l'adhésion de certains responsables. L'intégration à la société française passe aussi par une réflexion sur la culture. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup de yiddish, une culture yiddish, mais que devient-elle, Serge Bianchi? Est-ce que tout cela est pris en compte? Est-ce que on va enseigner l'histoire de ses propres enfants, de leur enseigner l'histoire de leur famille yiddish. Oui, alors là, c'est justement le problème. Il y a des priorités. Hein. C'est sauver d'abord les enfants, c'est-à-dire leur donner des conditions de pouvoir survivre aux déficiences alimentaires, culturelles qu'ils ont connues pendant la guerre. Et par conséquent, il y a des priorités. Les priorités essentielles, c'est la santé, l'existence dans chaque foyer d'une infirmière, la nourriture, l'hygiène, de façon à reconstituer des organismes qui avaient été affaiblis. Et l'autre priorité, c'est la scolarisation, c'est-à-dire que les enfants de foyer vont dans les écoles publiques, ils sont en contact avec les enfants des écoles publiques, et dans le foyer même, ils ont des cours du soir, donc ils vont être aussi suivi par le professeur Vallon, l'institut psychopédagogique, effectivement, psychotechnique, qui fait des études pour voir comment ils peuvent résister physiquement, scolairement à leurs difficultés. Donc, ils sont évalués et on va essayer de trouver la meilleure voie professionnelle pour chacun d'entre eux. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans les foyers, on cherche à leur donner aussi une vie spirituelle importante, avec des ateliers, imprimerie, des dessins quotidiens pratiquement, qui seront exposés à la rue d'Ulm devant 5000 visiteurs. Et ils chantent, ils dansent, ils se préparent à des spectacles, ils lisent tout ce qu'ils pourraient avoir normalement dans leur famille, mais que leur famille ne peut pas leur donner. Donc, et ça répond à l'alternative. Donc, peut-on éduquer en foyer mieux que dans la famille? C'est le grand problème qui se posait pour les foyers. Oui, parce que les questions que vous évoquez là, hein, Serge Bianchi, dépassent même le cadre simplement de ces enfants juifs après la guerre. C'est aussi une réflexion sur tous ces enfants orphelins. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'ici, avec la spécificité d'une trajectoire tragique de ces enfants juifs, s'est posé la question. Zoé Grimbert, il y a des échanges de la part de ceux qui réfléchissent au fonctionnement de la Commission centrale de l'enfance autour de alors quelle place laisser au yiddish, par exemple. Oui, alors le yiddish, ce qu'on a constaté, c'est que dans les foyers, il était assez peu présent par rapport à sa place dans les colonies et dans les patronages. Pour une raison qui s'explique par le fait que ces enfants-là, l'objectif vraiment est de les intégrer à la société française. Ils n'ont plus de parents et de ne pas réactiver aussi finalement, le sentiment de perte des parents. Donc ces enfants-là, dans les foyers, ne sont pas en contact avec le yiddish de manière très prononcée. En revanche, dans les patronages, dans les colonies de vacances, il y a des cours de yiddish qui sont proposés. Alors, un certain nombre d'enfants sèchent les cours de yiddish. Hein, il n'a pas envie. C'est la trajectoire d'intégration, trajectoire classique d'intégration des enfants qui veulent être français et qui n'ont pas forcément envie d'apprendre cette langue-là. Mais parallèlement au yiddish, à la langue, mais aussi la culture, hein, ce qui est très important dans la CCE, c'est pour les animateurs, pour les dirigeants, de transmettre aussi la culture française, ou la culture, d'ailleurs pas que française, une culture pour tous, une culture progressiste, bien sûr. Il y a toujours derrière cette idée quand même militante de la culture qu'on transmet, mais cette culture-là, elle doit être un mélange de culture française, de culture internationale, de grands ouvrages et de culture yiddish. L'idée étant toujours de faire de ces enfants de futurs français, bien intégrés dans le pays, mais aussi des enfants qui n'ont pas honte d'être juifs. C'est vraiment ces deux éléments qu'on doit tenir ensemble et qui sont fiers de leurs origines juives et notamment de la résistance. Et puis leur apprendre aussi à tout partager, c'est ce qu'explique Claude Guttmann. Il est réfléchi à son passé, c'est un ancien aussi de la Commission centrale de l'enfance. Ici, l'habitude était de tout partager. Ce qui était à tous était à chacun et réciproquement. Et surtout, qu'on pense à ceux qui n'avaient rien. Ils auraient ainsi quelque chose. J'ai donc vu disparaître mes bouts de gomme mangés par un autre. Je devais m'y faire. Je m'y suis fait. En fin de séjour, j'avais perdu mon individualisme et deux paquets de bonbons envoyés par mon père et grand-mère. Luba pouvait être fière. J'étais devenu un enfant de chez nous. Les enfants de chez nous, phrase par laquelle Luba commençait chacune de ses diatribes, avaient pour particularité de ne pas être des enfants réels. Ils ne mentaient pas, ne se battaient pas, ne dénonçaient pas, toujours prêts à s'entraider, respectueux. Des enfants de kibboutz, en somme. J'en étais fier de l'être. C'est un extrait de l'ouvrage « L'enfant qui m'accompagne » publié au Seuil, un ouvrage de Claude Gutmann, lu ici par Alexandre Manzanares, qui réalise aussi l'émission « Le cours de l'histoire » sur France Culture, avec aujourd'hui à la technique Hugo Renard. Très intéressant cet extrait-là, parce que nous voyons plein de choses, tout partagé. Il y a un petit peu de ce militantisme tel qu'il le voit, lui, avec ses yeux. Et puis, il y a aussi un peu de kibboutz qui est évoqué. Mais c'est ça aussi, on le sent, Serge Bianchi. C'est une aventure qui se construit pas à pas, mais qui, comment le dire, n'est pas cohérente parce que, ben, faut inventer. Oui, il y a énormément de témoignages. Celui de Claude me plaît parce que on a partagé des colonies et des maisons d'adolescents aussi. Donc, je le connais bien. Et il y a aussi ce témoignage de Jacques Van Steen, donc cinéaste. Qui a fait un téléfilm en 1985, Les lendemains qui chantent, qui est aussi un petit peu ironique, parce que c'est un film où l'on montre le 14 rue de Paradis, avec comment les enfants des patronages chantent, etc., et comment aussi des drames se nouent avec la fuite d'un neveu qui vient d'Union soviétique. Et donc, c'est effectivement toute cette somme de témoignages qui fait la richesse de la Commission centrale de l'enfance. Claude n'était pas à l'aise, mais d'autres, comme Joe Casterstein, qui est l'un des auteurs du livre, au contraire, a trouvé un supplément d'âme en partageant la vie des patronages, puis plus tard en étant directeur de colonies de vacances. Donc, mais dans l'ensemble, ce qui ressort des témoignages des enfants des foyers et des colonies, c'est qu'ils ont trouvé une façon de se réaliser dans les endroits de la CCE où ils ont pu vivre, quelles que soient les critiques légitimes qu'on peut donner à cette organisation dont vous soulignez parfois qu'elle est un peu monotone, qu'elle est un peu directive, qu'elle ne laisse pas toujours l'individu. Mais ses racines, ses valeurs étaient importantes pour les jeunes en construction, au moins dans les années 60. Vous avez évoqué la rue de Paradis, au 14 de la rue de Paradis, c'est le 10e arrondissement de Paris, c'est là où sont fédérées toutes ces organisations. Alors, le 14, voilà. Il y a quelque chose d'identité aussi qui est important dans cette histoire-là, Zoé Grimbert, entre les foyers, les colonies, le patronage, nous l'avons bien dit, ce ne sont pas exactement les mêmes voix, les mêmes choses qui sont proposées, mais malgré tout, cela renforce l'identité et puis surtout un fonctionnement qui permet à ces enfants de trouver une voie. Alors après, on peut discuter de quelle voie, quel métier, mais en fait, il y a quelque chose de proposé. Oui, il y a un projet qui se veut commun, même si l'on s'intéresse aux mémoires peut-être de cette histoire, on peut distinguer deux types d'expériences et de mémoires de la CCE. D'un côté, la mémoire des foyers, mais qui est une mémoire plurielle, puisque au sein des foyers, tous les enfants n'ont pas vécu la même histoire, n'ont pas vécu les choses de la même façon. Et la mémoire plutôt des patronages et des colonies, avec une mémoire des foyers qui est parfois plus critique chez les anciens des foyers, pour une raison qui s'explique logiquement quand on a perdu ses parents, qui peut-on blâmer ? Les adultes. Donc un certain nombre d'enfants en voulaient à des adultes, mais beaucoup disent quand même qu'ils ne savent pas si une autre prise en charge aurait été meilleure. Donc ça, c'est ce qui ressort, c'est vrai ce que dit Serge, c'est que malgré les critiques qu'on peut faire à la CCE, et il y en a de la part des anciens des foyers comme de la part d'anciens, d'ailleurs, des colonies ou des patronages, c'est une expérience qui, globalement, leur semble être ce qu'ils ont, en tout cas ce qu'ils auraient pu connaître de mieux dans la situation de perte de ses parents, bien sûr. Serge Bianchi, vous êtes professeur émérite d'histoire moderne et contemporaine à l'université Rennes 2. Vous avez coordonné cet ouvrage, hein, « Des larmes au rire, histoire et mémoire d'une organisation juive », c'est la Commission centrale de l'enfance. Et dans le texte que vous livrez, le titre choisi, c'est « La mémoire prend le relais de l'histoire ». Alors ça, c'est « La mémoire prend le relais de l'histoire ». Bien souvent, on dit « Bon, période, mémoire », et puis après, les historiens, les historiennes viennent et font le travail. Pourquoi la mémoire prendrait-elle le relais sur l'histoire dans cette histoire ? Ben, le problème, c'est construire l'histoire. Alors, pour construire l'histoire, on l'a construit essentiellement à partir d'archives. Ces archives, bon, elles sont énormes, dispersées. On les a consultées avec Zoé, on connaît bien le... Mais ça ne donne pas le supplément d'âme de la mémoire. La mémoire, elle vient de la part des témoignages de ceux qui ont connu les foyers, les patronages. Les colonies, ce sont des témoignages émouvants, importants, et qui viennent à l'appui de tout ce que les historiens peuvent démontrer. Bon, j'ai par exemple voilà, ma mère qui était aussi directrice de colonie, qui explique quelles sont les règles pédagogiques à observer dans les colonies, et c'est à peu près les mêmes que celles de Louba aussi, mais parfois il y a des divergences aussi, vous l'avez dit, à propos du yiddish, à propos d'autres éléments, à propos de la discipline et tout, et c'est une éducation, une culture en formation qui se joue à travers ces débats d'idées. Bah oui, parce que vous, historien, Serge Bianchi, vous avez vécu, vous êtes aussi témoin, on peut le dire. Ah ben, je suis un témoin, puisque j'ai été enfant dans les foyers, à Livry-Gargan, à 8 ans, j'ai été moniteur à Tarnos, et j'ai connu tous les éducateurs, j'ai connu Louba, Sonia, Anna et tous les autres, j'ai connu leurs divergences, et je les respecte toutes, parce qu'elles avaient toutes un même idéal au service de l'enfance. Néanmoins, je reconnais qu'il y avait aussi des divergences dans la façon d'éduquer. Mais ce qui est important, c'est de voir que tout tendait à la santé physique, à la santé mentale et à la culture des enfants, et qu'on prenait des garde-fous pour éviter tous les drames possibles qui peuvent se jouer dans les collectivités. Parce qu'il faut se souvenir toujours de l'origine de cette commission centrale de l'enfance en 1945. Quels étaient les objectifs des éducateurs ? Témoignage, tournez la page. Je pense que c'était le projet de nos éducateurs de tourner la page. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Certains le reprochent, d'autres disent que c'était nécessaire pour un équilibre. C'est sûr que l'invention des camps de concentration, c'est quelque chose d'inimaginable. Quand on songe que les gens qui ont fait la plupart de toutes ces horreurs étaient des gens cultivés, qui aimait la musique. Le peuple allemand était cultivé. Il y avait une littérature, un théâtre, des intellectuels. Et ces gens qui aimaient la musique pouvaient écraser comme ça un enfant. Enfin bref, il y a des choses que je ne m'explique pas et je continue à ne pas me les expliquer. Deux témoignages extraits de ce film, hein, Les Enfants de Denouval, un film de 2021, c'est récent, hein, par Sylvia Aubertin, et les deux voix que nous avons entendues, c'est Rosette Cycliste, née Rosenberg, ainsi qu'elle est présentée, et Daniel Baron. Oui, non, mais c'est vrai, à un moment, il faut aussi se souvenir de ce moment. Vous l'avez évoqué, Serge Bianchi, aujourd'hui nous parlerions de cellules psychologiques, de traumatismes, mais déjà, là, c'est peut-être pas le même vocabulaire, mais cela a été pris en compte. Comment se reconstruit-on après avoir vécu l'enfer ? Oui, c'est les anciens. Donc, ils ont pas mal d'ouvrages de mémoire. En 1998, ils sortaient un ouvrage de photographie essentiellement sur tous les foyers, les maisons de notre enfance. Ensuite, il y a eu le spectacle Avignon, effectivement, la valise de Rosette Cycliste, justement, hein, qui a été jouée. Et puis, ensuite, il y a eu le documentaire de Madame Aubertin, hein, sur les enfants de Nouval. Donc il y a cette mémoire des anciens du foyer qui sont actuellement rue du Renard et qui ont une revue Amitié. Et puis il y a les amis de la CCE qui ont un autre vécu, c'est ceux des colonies, ceux des patronages, etc. Et ces deux associations qui étaient différentes, il fallait pouvoir les réconcilier. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cet ouvrage de mémoire et d'histoire en réunissant des destins de plusieurs centaines d'enfants, leurs témoignages, sans oublier les critiques, mais en montrant tout ce que cette organisation avait pu apporter de positif dans leur construction d'individus, dans leur construction de citoyens. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut donner comme témoignage de ce qu'a été la Commission centrale de l'enfance au service de peut-être 17 000 enfants entre les années 1945 et 1988, date à laquelle elle met fin à son existence, mais qu'elle est remplacée par deux autres organisations, les anciens et les les amis de la CCE. Voilà, c'est ça, l'organisation elle-même, c'est vrai que c'est au milieu des années 1980 qu'elle cesse ses activités. Est-ce qu'on a d'ailleurs, parce que c'est la mémoire quelque chose de difficile à manier, en revanche, les résultats chiffrés de ce que sont devenus ces enfants. Est-ce que l'on sait, par exemple, je pense particulièrement à ceux qui étaient dans les foyers, plus que dans les colonies et dans le patronage, ils ont eu des métiers qui leur correspondaient. Comment peut-on appréhender cela ? Alors, on a des chiffres pour la fin des années 40 sur l'insertion, fin des années 40, début des années 50, sur l'insertion professionnelle des enfants, des anciens des foyers. Et ce qu'on constate globalement à cette période-là, années 40-50, c'est que la grande majorité des anciens des foyers, c'est-à-dire 83%, font des métiers manuels, plutôt ouvriers. Donc dans la métallurgie notamment, parce que c'est un métier qui aussi a beaucoup de sens sur le plan politique, bien sûr, et qui participe de la reconstruction de la France, hein, ce qui était important. Les juifs communistes voulaient participer à cette reconstruction. Les autres, les chiffres restants, globalement, on a 10%, il me semble, de professions, disons, libérales et ou intellectuelles, c'est-à-dire instituteurs, pas tellement de médecins, il me semble, parmi les anciens des foyers, et le reste plutôt inconnu. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, beaucoup de ces anciens vont ensuite, enfin, une partie d'entre eux vont reprendre aussi des études qu'ils n'ont pas pu mener dans ces années-là, pour des questions financières notamment. Et par exemple, des gens qui étaient dans la partie, enfin, qui étaient ouvriers, sont devenus plus tard enseignants, par exemple. Donc, sont passés à une autre catégorie. Ça peut être un regret. C'est effectivement qu'il y a une ascension sociale entre les parents, donc ceux qui sont venus immigrer dans les années 30, et leurs enfants dans les années 50, comme l'a dit Zoé, qui pratiquement ne sont plus dans les métiers qu'exerçaient leurs parents, tailleurs, artisans, etc., et qui vont accéder à des fonctions, on pourrait dire, de cadre moyen, cadre supérieur, parfois, et cette ascension qui se poursuit encore avec leurs enfants. Donc là, on peut dire que les foyers ont joué leur rôle, même si ils n'ont pas pu donner à tous les enfants la possibilité de s'épanouir dans le métier qu'ils auraient voulu. Mais c'est vrai qu'il y a cette obligation aussi, et le système des foyers, il est toujours en place aujourd'hui pour tant et tant d'enfants, c'est qu'il y a les 18 ans, et à 18 ans, on quitte le foyer, donc il faut vite avoir un métier. Et puis, il y a aussi cette lecture politique de l'histoire de la Commission centrale de l'enfance. La mémoire s'en fait parfois écho, mais aussi le spectacle. Il y avait cette chanson étonnante en hommage à Maurice Thorez, figure légendaire du Parti communiste français, et personnalité à laquelle on savait ici rendre beaucoup d'honneur. C'était intitulé « Buvons, camarades ». Depuis que bat le cœur des hommes, notre idéal est le plus beau, il nous a fait ce que nous sommes, Maurice porte le drapeau. L'étoile claire de Staline ouvre l'amour au monde entier. La route mène au socialisme, Maurice marche le premier. Buvons, camarades, buvons, que l'avenir nous appartienne. C'est à lui que nous le devons, à la tienne, ami, à la tienne. Buvons, camarades, buvons, à la santé de Maurice, à la santé de la paix, au bonheur, à la justice. Buvons au peuple français, buvons, buvons, au bonheur, à la paix. C'est David Lescot, dramaturge, mais aussi chanteur, nous l'entendons dans son spectacle, la Commission centrale de l'enfance en 2008. Il y a de cela aussi dans une histoire et mémoire d'une organisation juive laïque et progressiste. Ce sont tous les débats de la société qui traversent l'organisation elle-même. Alors, le Parti communiste, là, nous l'entendons, mais il n'y a pas que ça. Serge Bianchi, dans toute cette histoire 1945-2020, eh bien, et on peut dire les années 1980, si on veut s'arrêter à la fin du fonctionnement de la Commission centrale de l'enfance, il y a tous les questionnements autour d'Israël, de la politique qui peut être menée, faut-il adhérer ou pas? Est-ce que ces réflexions-là sont prises en compte dans cette Commission centrale de l'enfance? Oui, oui, c'était important de donner ces chansons, parce que la chanson, c'est l'âme aussi des enfants de la CCE, mais c'est des chansons dans les colonies qui traversaient tous les thèmes. En fait, on chantait les mêmes choses que les scouts, les éclaireurs de France, etc., et d'autres chansons. C'est-à-dire que la chanson rythmait pratiquement la vie des colonies de vacances. On commençait le matin en rendant hommage au Réveillez-vous Picard et Bourguignon, on continuait à chanter le midi, le soir, dans les veillées, etc. Quand on se retrouve 50 ans après, on est encore capable de... Mais effectivement, ça n'était pas aussi engagé que ça. C'était surtout, il fallait chanter, parce qu'en collectivité, c'est important de chanter. Quand on marche, il faut chanter. Et effectivement, ça reste un débat interne. Quelle est la place que l'idéologie doit avoir pour les enfants? Moi, je sais que ma mère était extrêmement militante, mais elle a jamais voulu m'inculquer en tant qu'enfant de la CCE ses préceptes idéologiques, et j'ai fait ma formation politique par moi-même, et chacun aussi a son opinion sur la formation idéologique. Certains critiquent le fait qu'on était obligé d'aller au Père Lachaise défiler pour la commune, etc. Mais ça n'était pas forcément imposé, et je crois que les dirigeants de la CCE étaient plus soucieux de la culture, du bien-être physique et moral des enfants, que de l'orientation idéologique. Zoé Grimbert, j'allais rappeler, enfin donner d'ailleurs le titre de votre thèse. Vous êtes postdoctorante à l'université d'Angers. C'est militer en minorité le secteur juif du Parti communiste français de la libération à la fin des années 1950, avec comme directrice de thèse Claire Andrieux. Faut toujours rappeler le nom de ses directeurs et ses directrices de thèse. Ça leur fait plaisir. Non, mais voilà. C'est ça qui est passionnant dans ces histoires-là. C'est partir d'une question de base, un constat terrible. Comment faire pour ces orphelins après la guerre? Et puis voir se construire cette histoire qui est en fait sans cesse en écho avec les problèmes, les questionnements de la société. Oui. Oui, effectivement. Et si, pour la question d'Israël, par exemple, qui est une question évidemment qui pose un problème évident, puisque comment fait-on par rapport à la position du Parti communiste français dans l'UJRE, en tout cas, ce qui est sûr, donc dans l'organisation qui chapeaute un peu la CCE, la position des juifs communistes a été plus nuancée que ce qu'on a pu penser. C'est-à-dire qu'ils ont toujours soutenu l'idée, alors la création de l'État d'Israël et l'existence de l'État d'Israël. Il n'empêche qu'ils étaient très conscients de la situation, donc ils parlaient de situation d'apartheid, c'est les termes qu'ils pouvaient employer. Donc ils étaient conscients de ce qui se passait en Israël, mais ils défendaient l'existence de cet État-là et ne sont jamais revenus sur cette position de défense de cet État. Et dans la CCE, on a parlé d'Israël. À partir des années 50, c'est plus compliqué, mais n'est pas revenu sur l'existence de cet État. En fait, si, après 67 et la guerre des six jours, effectivement, il y a eu des défections. Il y aura des défections au sein du Parti communiste, il y aura des défections aussi vis-à-vis d'Israël. C'est un sujet qui pose problème, mais il y a une chose qui réunit quand même tous les enfants de la CCE, c'est lorsqu'il y a des agressions antisémites, etc., une solidarité s'exprime de toute manière, quelles que soient les divergences vis-à-vis de l'État d'Israël. Oui, et puis comment une institution pourrait telle échapper aux divisions de la société? La Commission centrale de l'enfance, des larmes au rire, c'est le titre de cet ouvrage, Histoire et mémoire d'une organisation juive laïque et progressiste, publié au Cherche Midi. Merci vraiment à vous deux, Serge Bianchi, Zoé Grimbert, de nous avoir présenté la CCE, la Commission centrale de l'enfance, et puis dans cet ouvrage très illustré. C'est d'ailleurs un bonheur de voir ces archives. On croise des destins. C'est aussi ça, cette histoire-là. Ce sont des destins mis en commun, dirons-nous. Merci vivement à tous les deux. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Faut-il réhabiliter Catillon, la dernière femme qui fut brûlée pour sorcellerie en Suisse? Dans mes chroniques, j'ai évoqué à plusieurs reprises l'histoire de la persécution des femmes accusées de sorcellerie. Les historiennes et les historiens qui ont étudié cette question estiment qu'au cours des siècles passés, rien qu'en Europe, au moins 50 000 personnes ont été victimes de cette forme d'inquisition. L'ampleur de ces crimes explique que l'histoire de la sorcellerie soit devenue un enjeu de mémoire important. Dans plusieurs pays, ont émergé récemment des revendications afin d'obtenir une réhabilitation officielle de ces victimes, car elles ont été condamnées lors de procès iniques sur la base d'aveux souvent extorqués sous la torture pour pallier l'absence de preuves. Mais la politisation de cette logique mémorielle a suscité des objections que j'évoquerai rapidement dans cette chronique en prenant l'exemple de Catherine Repon, dite Catillon, la dernière femme qui a été brûlée en Suisse pour sorcellerie en 1731. Âgée alors de 68 ans, elle vivait dans les environs de Corbières, une commune du canton de Fribourg, en marge de la communauté villageoise. On lui reprochait de ne pas avoir d'enfants, de fréquenter des gens louches et surtout de maudire les riches paroissiens qui refusaient de lui faire l'aumône. Elle a été accusée d'avoir voulu se venger des villageois en déclenchant un violent orage qui aurait tué les plus belles vaches de l'alpage. D'autres ont ajouté que ces sortilèges gâtaient le goût du fromage, ce qui était d'une extrême gravité dans une région qui faisait partie du district de Gruyère. Interrogée à de multiples reprises durant son procès, Catherine Repon nia ses accusations de sorcellerie jusqu'à ce qu'on lui applique des formes de torture de plus en plus cruelles. Lorsqu'elle fut sur le point de succomber à ses sévices, elle finit par avouer qu'elle avait conclu un pacte avec le diable. Les juges la condamnèrent au bûcher en précisant qu'elle serait étranglée par le bourreau avant d'être brûlée. En 2008, une motion a été déposée auprès du Grand Conseil de Fribourg pour que Catherine Repon soit officiellement réhabilitée. Tout en encourageant les initiatives mémorielles visant à rappeler l'injustice dont cette femme a été victime, le Conseil d'État considéra néanmoins qu'une réhabilitation strictement juridique n'était pas possible. Un État démocratique n'ayant pas à assumer les crimes du régime auquel il a mis fin ne peut pas les corriger juridiquement. Si une telle procédure était adoptée, ajouta le Conseil d'État, elle devrait s'étendre à toutes les victimes de la justice de l'époque, non seulement les sorcières, mais aussi les homosexuels, les minorités religieuses, les condamnés politiques, et plus généralement, toutes celles et tous ceux dont les aveux ont été arrachés sous la torture. Même si la majorité des victimes de ces chasses aux sorcières étaient des femmes, il faut rappeler en effet qu'environ un tiers d'entre elles étaient des hommes, et parfois même des enfants. En braquant le projecteur de la mémoire sur une catégorie de victimes, on court toujours le risque de laisser dans l'ombre celles qui n'ont pas de porte-parole dans notre espace public. Voilà pourquoi la recherche historique ne peut pas être confondue avec le militantisme mémoriel. Merci pour toutes ces précisions, Gérard Noiriel. C'était Le Cours de l'Histoire sur France Culture, une émission préparée par Maïwenn Guizhou, Marion Dupont, Toscane Viudès, Jeanne Delecroix, Shirley Adélaïde et Margot Vielle. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.